L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. J'ai des frérots qui ne dorment plus la noche. T'étais pas là quand j'ai fait gâteau, mais t'aimerais bien que je te donne la moitié. Juste dans la vie, les apparences sont trompeuses, comme la voiture n'a pas analysé des condés. Je pensais que cette pute avait un gros boule. La vie de ma mère, elle était juste cambrée. Je les encule tous, je suis seul au départ. Pour prendre ta recette que souvent on débat. Pour manger au grec, on partait voler. À midi, personne nous donnait de repas. Mais à part ça, tout va bueno. Y'a de la cocaïne et de l'héro. J'suis en deux roues, j'fais le tour de la ville. A crapaud vite, j'fais la mélo. Y'a que mes frères mascalades sur qui j'peux compter. J'traîne avec voleurs, narcotrafiquantes. Y'a que mes frères mascalades sur qui j'peux compter. J'traîne avec voleurs, narcotrafiquantes. À sa blague. C'est pas souvent que tu nous voyais au resto, hein. Faut d'un maille, faut des pesos. On prend tout sur la table, on se vaisseau. J'ai trop d'amour pour ma Tessie. Au feu rouge ça vole dès que ça. Et tu crois qu'on dort imbécile. Du liquide on sait faire que ça. Et ton carré fait des AK. Il grave le produit des empas. Pas besoin de te chercher dans la ville. On monte direct chez tes remparts. Des fois je me méfie, fous la merde, on rend fou les schmitts. À sa bang, c'est ça mon équipe. Y'a de l'oseille, personne touche le smic. Y'a que mes frères mascalades sur qui j'peux compter. J'traîne avec voleurs, narcotrafiquantes.